Le super éthanol E85 est un carburant deux fois moins cher. Mais ça, vous le saviez déjà. Tout à fait. La technologie hybride génère de l'électricité en roulant, et ça, vous le saviez aussi. Oh, mais vous vous répétez. Désormais, vous n'aurez plus à choisir entre E85 ou hybride. C'est génial. Car Ford lance le nouveau Kuga, le seul SUV hybride et E85 à la fois. Rendez-vous pendant les Ford Power Days pour découvrir tous les nouveaux modèles hybrides et super éthanol E85. Ford. Comparez le prix des carburants sur prix-carburant.gouv.fr. Que vaut une vie? Que vaut votre vie? Pas celle d'un autre, mais la vôtre. À quel prix pourriez-vous vous vendre? Et comment déterminer, en fonction de son caractère, de son corps, de sa personnalité morale, son propre prix? Ces questions dérangent. Personne n'a envie de se vendre, de se demander ce qu'il vaut, de se réduire à un prix. Et pourtant, se joue ici cette interrogation que le stoïcien Épictète nous expose et déplie dans son manuel. Quelle est la valeur que l'on s'accorde? Et dès lors, quels choix et quelles actions nous estimons-nous capables d'accomplir? La vie d'un homme, qu'est-ce que ça vaut? Quel est mon prix? Qui va payer? Mes amis n'ont pas les moyens, et ma femme va s'affoler. Qu'est-ce que j'ai besoin de mes Bonjour Christelle Veillard. Bonjour à tous. Vous êtes maître de conférences en philosophie ancienne à l'Université de Paris-Nanterre. Vous êtes spécialiste du stoïcisme. On vous doit plusieurs ouvrages sur le sujet. Le plus récent, je le cite, s'intitule « Les stoïciens, une philosophie de l'exigence ». C'est paru aux Belles Lettres en 2017. Alors, on a entendu cette chanson de Michel Sardou qui s'appelle « Le prix d'un homme ». Est-ce que vous trouvez que, d'une certaine manière, cette chanson résonne parfaitement avec le thème du jour en partant du manuel d'Épictète ? Alors, pour le coup, ça résonnerait plutôt avec Marc Aurèle, quand il dit un peu de sang et beaucoup d'eau. C'est une manière, effectivement, dont Marc Aurèle pourrait décrire le petit corps qui est le nôtre, mais qui, de fait, ne définit pas notre valeur, puisque ce qui va définir notre valeur, et pour le coup, là, c'est ce que va dire également Épictète, c'est la faculté que nous avons de choisir certaines actions, certaines valeurs, justement, qui nous déterminent. En tant que personne morale. Alors, il est un petit peu étonnant, quand on se penche sur ce manuel d'Épictète, de découvrir ces termes de prix, de valeur, de se vendre d'une certaine manière. Il y a beaucoup question, effectivement, de prix. Comment on peut interpréter cette idée de prix? Est-ce qu'il faut le voir d'une manière un petit peu utilitariste, un petit peu réductrice, un petit peu quantifiable? Une manière, en fait, de se vendre. On dit souvent cette expression de « je n'ai pas envie de me vendre, je ne suis pas à vendre, je ne suis pas une chose ». Comment faut-il entendre ce terme de prix dans la pensée d'Épictète? Alors, c'est une caractéristique stoïcienne générale que le premier pas à effectuer pour se régler ou pour déterminer ses actions, c'est d'accorder une valeur aux choses. Donc d'abord aux choses qui nous entourent, savoir ce qui est véritablement utile, à quoi on peut accorder la dénomination de bien, et savoir ce qui, en revanche, est totalement désavantageux et ce qui est parfaitement indifférent. Donc, à partir de cette attribution de valeur aux choses, le bien, ce qui est désavantageux ou le mal, et ce qui est indifférent, on va pouvoir identifier que le seul bien qui vaille, c'est la vertu, c'est-à-dire une disposition harmonieuse de notre âme qui est orientée vers le bien et qui va nous conduire à faire des actions morales. À partir de cette classification des biens, ou en tout cas des choses, en bien et mots et indifférents, on va pouvoir s'attribuer à soi-même finalement une valeur ou un prix. Donc c'est la raison pour laquelle cette thématique du prix auquel je me vends apparaît de manière un peu nécessaire dans la philosophie stoïcienne. Mais il est vrai que c'est Épictète qui le fait apparaître de cette manière, notamment de manière aussi de manière aussi articulée. C'est ça. Et de manière aussi explicite, puisque effectivement, ce ne sont que dans les textes d'Épictète qu'on voit apparaître la valeur qui est attribuée à soi-même. Alors, ça s'explique assez bien, puisque à partir de cette réflexion sur la valeur à attribuer aux choses extérieures, on va découvrir que le seul bien, c'est ma vertu, c'est-à-dire ma disposition interne. Et Épictète va réfléchir sur l'autonomie et donc la liberté absolue dont nous disposons lorsque nous avons identifié cet élément fondamental qu'est notre disposition intérieure. Donc, le soi, la manière dont je juge, c'est ça qui va finalement avoir le plus de prix et à partir de quoi il va falloir attribuer par ricochet, pourrait-on dire, une valeur aux choses extérieures. Mais comment peut-on découvrir ce bien? Parce que vous avez employé plusieurs fois ce terme, Christelle Veillard, l'idée de bien agir, l'idée de découvrir le bien. Où est-il ce bien? Est-ce qu'il existe? Est-ce que le bien, c'est le fait de bien agir? C'est le fait de découvrir le prix que l'on peut s'accorder? C'est le fait de bien accorder telle valeur à telle chose? En fait, qu'est-ce que le bien dans le sens dans lequel vous l'avez employé et dans la pensée d'Épictète? Alors, la définition générale du bien pour les stoïciens, c'est ce qui est toujours utile et qui ne peut jamais porter un désavantage, ou qui ne peut jamais être désavantageux. Donc, c'est quelque chose qui ne peut jamais se retourner en mal contre nous. Donc, c'est une puissance causale qui ne va que dans un seul sens, pour être plus technique. Et lorsqu'il cherche l'objet qui correspondrait à cette puissance causale univoque, les stoïciens identifient seulement les vertus morales, c'est-à-dire lorsque l'on utilise la générosité, par exemple, c'est quelque chose qui ne peut pas se retourner contre nous, parce que c'est un acte désintéressé, volontaire, qui se fait dans l'orientation du bien, pour le bien, uniquement pour le bien, et jamais de manière intéressée, justement. Donc, ayant posé ceci, on cherche des objets qui sont toujours avantageux, on va avoir notre espèce de boussole générale, qui est la notion du bien, à partir de laquelle on va pouvoir régler toutes nos actions et attribuer de la valeur aux choses. Par exemple, si je prends un exemple simple, celui de la richesse, est-ce que c'est utile ou désavantageux d'être riche? Les stoïciens diraient, on voit bien manifestement que parfois c'est avantageux, parce que je peux acheter des choses, je peux rendre service à mes amis. Et parfois, c'est désavantageux parce que on vient me solliciter pour des choses futiles, je deviens orgueilleux, je peux être volé, etc. Donc la richesse, en tant qu'objet, ne peut pas être un bien ni un mal, puisqu'elle finalement elle va dans les deux sens. Donc elle est versée dans la catégorie des indifférents, qui sont éventuellement préférables, mais qui en tout cas ne sont pas des biens. Et comment découvre-t-on ce bien? C'est en le pratiquant? Est-ce qu'on peut se tromper? Est-ce qu'il y a une forme d'apprentissage de ce bien? Découvrir le bon prix des choses, comment bien les utiliser? Découvrir aussi le bon rôle à jouer, le bon prix que l'on peut s'accorder, Christelle Veillard? Alors, c'est à partir de là où les problèmes commencent, on pourrait dire, effectivement. Comment découvre-t-on ce bien? Voilà, lorsque je cherche à trouver dans la pratique à quoi correspond ce bien, donc on aura tendance à dire c'est toujours une action vertueuse qui va correspondre au bien à atteindre. Si je veux être généreux, effectivement, je ne vais pas me lancer dans des manœuvres compliquées ou dans des stratégies qui impliquerait justement de venir me soumettre à quelqu'un qui ne pratique pas lui-même la vertu, donc à venir brouiller finalement le message que je suis en train de porter. Mais il reste que, vous avez raison de dire que dans la pratique, c'est toujours un petit peu brouillé. C'est pour ça que Épictète va utiliser des exemples pour rendre la chose plus claire. Alors justement, on va écouter un premier texte d'Épictète, juste avant un petit film qui nous permet d'entrer dans le vif du sujet et de découvrir la portée de la pensée d'Épictète sur cette valeur que l'on doit accorder aux choses et notamment à nos choix. Attention à ta robe, lui c'est talon. Émile, donne un peu de vin à ta voisine. Voilà. Merci. Tiens Lucette, monte ça à Madame Raymonde. Cette pauvre fille doit s'ennuyer toute seule là-haut. Bonsoir, Raymonde. Bonsoir, mon petit. Tiens, pour toi. T'as pensé à moi comme ça, toute seule, dans ta belle robe? Allez, va te la môme. Oh, Salah, pourquoi n'en as-tu pas monté pour moi, hein? Il n'y en avait plus. Il n'y avait qu'à faire ça. J'aurais eu ma part. Seulement avant, ils ne peuvent pas me sentir et ils n'auraient jamais eu l'occasion de me faire sentir qu'ils ne peuvent pas me sentir. Ça ne fait rien. Tu les remercieras quand même. Oh, dis pas cela là, tu fatigues ton monde. D'abord, t'aimes pas les gâteaux. Mais celui-là, je l'aurais aimé. Eh ben, aime-le et fous-nous la paix. On a préféré quelqu'un plutôt que toi pour participer à un banquet, pour être salué, pour participer à une délibération. Si ces choses-là sont des biens, il faut te réjouir que quelqu'un les ait obtenus. Si ce sont des maux, ne te plains pas qu'ils soient tombés sur un autre. Souviens-toi que toi qui ne fais rien pour obtenir ces choses qui ne dépendent pas de nous, tu ne peux y avoir droit. Comment reconnaître le même droit à celui qui ne fréquente pas la porte d'un homme et à celui qui la fréquente? À celui qui ne lui fait jamais cortège et à celui qui ne cesse de l'escorter? À celui qui ne le loue jamais et à celui qui le loue sans cesse? Tu seras injuste et insatiable si tu veux, sans en payer le prix, obtenir pour rien ce qu'il vend. Combien se vendent les laitues? Mettons une obole. Quelqu'un donnant son obole emporte les laitues. Et toi, ne donnant rien, tu n'emportes rien. Crois-tu donc avoir moins que celui qui a payé? S'il a ses laitues, toi, tu as ton obole que tu n'as pas donné. Il en est de même pour les choses précédentes. Un tel ne t'a pas invité à son banquet, c'est que tu n'as pas donné le prix auquel cet homme vend son repas, car il le vend contre des éloges, des complaisances. Si tu trouves le marché avantageux, paie donc le prix demandé. Mais si tu veux recevoir sans rien donner en échange, tu es insatiable et déraisonnable. On vient d'entendre un extrait du manuel d'Épictète, paragraphe 25, interprété là par François Raison. Et on a entendu juste avant un extrait d'Hôtel du Nord, le célèbre film de Marcel Carnet de 1938, où on a entendu Louis Jouvet, hein, Monsieur Edmond, interprété par Louis Jouvet, cet homme qui est vexé de ne pas recevoir sa part de gâteau, mais qui en même temps, comme l'explique très bien Épictète dans son manuel, n'a pas joué le jeu. Il ne peut pas à la fois bénéficier de l'amour, de l'attachement, d'une part de gâteau, et en même temps ne pas jouer ce jeu de la sociabilité. C'est exactement ce qu'on entend dans ce texte d'Épictète. Et on entend déjà cette idée, paie donc le prix demandé, mais si tu veux recevoir sans rien donner en échange, tu es insatiable et déraisonnable. Et on voit bien là le lien que fait Épictète entre d'un côté le juste prix des choses, payer le prix, et en même temps l'usage de sa raison. Christelle Veillard. Alors effectivement, à la fois dans le film et puis dans l'extrait qui vient d'être lu, on a un protocole assez clair de la manière dont il faut procéder. Épictète ne cesse de nous dire, avant de te lancer dans une activité, il faut d'abord que tu identifies clairement en quoi elle consiste. Donc par exemple, obtenir un gâteau, acheter une laitue ou être invité dans un banquet. Si je veux acheter une laitue, effectivement, j'identifie quel type d'objet est la laitue, à quel prix elle se vend, à quoi elle sert, etc. De la même façon pour le gâteau, comme vous l'avez dit, il faut identifier quelles sont les règles du jeu pour pouvoir l'obtenir. Et de la même façon pour le banquet, hein, il faut que je sois au petit soin avec celui qui m'invite, qu'ensuite je fasse son éloge, etc. Donc j'identifie finalement tout ce qu'il faut faire à l'intérieur de cette activité principale. Et c'est là où je vais mobiliser les distinctions que j'ai énoncées tout à l'heure, à savoir, c'est là où je vais identifier si les choses qu'il va falloir que je fasse correspondent à des activités conformes au bien ou correspondent à des objets qui relèvent des indifférents, voire des choses qui vont être des maux, c'est-à-dire des vices, des compromissions ou bien des mensonges, des lâchetés. Et une fois que j'ai fait tout ça, arrive mon troisième pas, c'est le pas de l'action. À ce moment-là, je décide. C'est-à-dire, j'ai bien identifié tout ce qu'il faut faire dans l'activité qui m'est proposée. Et maintenant, il dépend de moi, justement, de choisir si j'y vais ou si j'y vais pas. Donc, une fois que j'ai fait ce choix, hein, c'est ce que nous dit Épictète à la fin du texte, hein, si tu veux le faire, paie le prix. si tu veux pas payer le prix, donc si tu ne veux pas jouer le jeu, mais avoir l'objet quand même, c'est absurde. Donc c'est absurde logiquement, et c'est finalement une faute morale. C'est incohérent d'abord, et c'est une faute morale. Donc on est insatiable et déraisonnable dans ce cas. Alors j'ai deux questions, Christelle Veillard. La première, c'est que finalement, Épictète énonce déjà une des problématiques du choix. Le problématique du choix, ce n'est pas seulement quelque chose de positif où on s'engage dans une voie qu'on a délibérément choisie, sur laquelle on a peut-être délibéré, pour laquelle en tout cas on a opté, mais c'est aussi une part négative qui exclut tout ce que l'on n'a pas choisi, tout ce à quoi on a renoncé. Est-ce qu'on peut dire que Épictète est déjà dans cette problématique du choix, qui est une problématique qu'on va retrouver tout au long d'ailleurs de l'histoire de la philosophie? Alors je dirais que l'aspect négatif n'est pas tellement apparent pour Épictète, puisque pour lui, il ne ferait pas tellement sens de dire « j'ai exclu toutes les mauvaises solutions ». Puisque si j'ai choisi de manière droite, en réalité j'ai choisi le bien et j'ai choisi l'activité qui me correspond le mieux. Donc finalement ça n'est jamais un renoncement à d'autres choix possibles, qui sont finalement des choix mauvais, mais c'est plutôt l'affirmation de l'adéquation avec ses propres valeurs. Mais il y a quand même une idée de sacrifice. Il faut que je paye d'une certaine manière de ma personne. Par exemple, quand je veux aller dans un banquet, j'ai choisi la vie mondaine, mais donc je choisis aussi peut-être des compromissions, d'une certaine manière des arrangements qui ne sont peut-être pas très glorieux, mais finalement qui me permettent d'atteindre la fin que j'ai choisie. Finalement, c'est aussi une articulation entre les moyens et la fin que l'on se donne. Alors effectivement, là, ce que fait Épictète, c'est qu'il nous met face à nous-mêmes. Et il nous demande de nous regarder sans phare dans ce que nous choisissons. Donc il nous appelle à la responsabilité de nos choix, justement. Il nous dit, si tu choisis les compromissions, si tu veux le pouvoir, si tu veux être invité dans ce banquet, il faut assumer le fait que tu as des valeurs qui correspondent à ce type d'objet. C'est-à-dire, en stricte théorie stoïcienne, à des valeurs qui ne sont pas des biens. Donc j'ai choisi des objets qui ne sont pas des biens. La richesse, le pouvoir, alors que normalement, je devrais choisir uniquement la disposition vertueuse, c'est-à-dire les vertus morales. Et c'est ça qui est paradoxal. Comment on peut à la fois user de sa raison et donc d'une certaine manière atteindre le bien, c'est-à-dire en décidant, en se disant « moi j'ai choisi la vie mondaine, c'est ce qui correspond aux valeurs que j'accorde aux choses, donc je m'engage dans cette voie-là » et en même temps dire que cette voie-là, alors même que j'ai peut-être procédé de manière rationnelle pour choisir cette voie-là, n'est pas rationnelle en tant que telle, n'est pas raisonnable selon Épictète. Est-ce qu'en fait il y a un bien, une raison qui sont universelles, à laquelle il faudrait correspondre, ou au contraire c'est juste un usage au singulier de la raison? Alors je pense que là, pour le coup, l'expérience va nous montrer que nous faisons fausse route. C'est-à-dire, si je choisis la vie mondaine, je vais m'apercevoir très vite qu'elle réclame quand même beaucoup, beaucoup de compromissions de ma part et qu'elle ne va pas forcément m'apporter les satisfactions que j'attendais, parce que toujours j'aurai quelqu'un au-dessus de moi, je serai toujours dépendant d'objets qui finalement sont des objets instables, des plaisirs qui ne sont pas véritablement à rechercher dans cette vie pour être une vie véritablement accomplie et humaine. Et il nous dirait, vas-y, essaye, mais tu verras bien au bout d'un moment que tu as fait le mauvais choix. Donc tu as porté des valeurs qui ne sont pas les bonnes. Et à ce moment-là, donc ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il nous dit pas « sois vertueux, ne fais que le bien », etc. Il nous dit « voilà, tu prends tes responsabilités, tu regardes ce que tu fais, ce que ça implique de faire ce que tu as choisi de faire. Et ensuite, si tu persistes, il faut que tu sois cohérent avec toi-même. Tu ne peux pas venir pleurer parce que ta vie est misérable. Donc, en revanche, si tu constates, donc par ta rationalité, par le fait même de la démonstration rationnelle, que tu n'as pas atteint ce que tu voulais, tu n'es pas heureux, eh bien, il faut que tu remanies les valeurs qui sont les tiennes, et il faut que tu reviennes sur les choix fondamentaux que tu es en train de faire. Donc il faut comprendre que le bien, justement, ne se trouve pas dans les objets extérieurs et dans la richesse, le pouvoir, etc., mais se trouve dans le fait que notre disposition interne est droite, qu'elle est ordonnée au bien et qu'elle fait toujours le bien autour de nous, donc indépendamment des utilités apparentes que peuvent avoir les choses. Donc il y a quand même chez Épictète un bien presque transcendant. Alors, en tout cas, il y a une définition extrêmement précise de ce qu'est le bien. Et donc, il y a des bornes, finalement, assez faciles à identifier pour cadrer notre action. C'est-à-dire, effectivement, quand on dit « estime le prix auquel tu te vends », on ne peut pas faire n'importe quoi quand même. C'est-à-dire, on a un cadre rationnel très, très strict à appliquer en réalité, si on veut évidemment avoir une vie ordonnée, cohérente et bonne et oui, heureuse. Oui, parce qu'on pourrait très bien s'accorder un prix. Alors, on peut se tromper déjà sur la valeur qu'on s'accorde, ça c'est une chose qui peut arriver très couramment. Mais on peut aussi peut-être se surestimer ou se sous-estimer, mais presque délibérément en fait. Ce n'est pas juste une erreur de jugement, comme quand on se dévalorise, quand on a des complexes, mais aussi effectivement se peut-être penser qu'on peut vendre sa personne littéralement. C'est aussi peut-être penser qu'on est le meilleur et vouloir écraser les autres. Et comment on peut, quel nom donne Épictète à ce cadre finalement délimité? On ne peut pas se donner n'importe quel prix. Est-ce qu'on peut parler de bien quand on parle de ces bornes-là dont vous avez parlé, Christelle Veillard? Ou est-ce qu'il s'agit de limites morales qui seraient à découvrir, non pas par l'exercice, mais à travers justement des principes philosophiques? Alors je crois que là, ce qui joue le rôle de cadre général, c'est vraiment la définition qu'il donne de l'homme. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme, au sens plein du terme? Et qu'est-ce que c'est qu'être un homme accompli? Donc effectivement, vous dites parfois... les hommes se vendent à un prix vraiment dérisoire, donc ils se compromettent pour des choses abjectes ou ridicules, ou parfois justement ils s'estiment plus grands qu'ils ne sont. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup la valeur que l'on s'accorde à soi-même va retentir sur la valeur qu'on accorde aux objets. C'est-à-dire, si on se voit trop petit, finalement on va considérer comme ayant de la valeur des choses trop petites, c'est-à-dire des choses dérisoires. On va avoir l'impression que c'est ça qu'il faut, c'est ça qui a le prix le plus important, alors qu'en réalité, on leur a attribué un prix trop grand, parce que nous, on s'est attribué un prix trop petit, finalement. Hein. De la même façon, si je m'accorde un prix trop grand, je vais me tromper aussi dans l'attribution de la valeur accordée aux choses. Donc il faut identifier clairement ce qu'il va faire, c'est identifier clairement à quoi correspond le fait d'être un homme. Donc ça n'est pas justement être un animal, qui va suivre aveuglément ses instincts primaires. Ça n'est pas non plus être un homme dépravé qui s'attacherait justement à développer tout un tas d'attributs qu'on attache maintenant à l'humanité, mais qui sont totalement superflus. Par exemple, on a tendance à dire la différence entre l'homme et l'animal, c'est le fait que l'homme, lui, il va justement se raser la barbe, avoir des vêtements un petit peu compliqués, s'entourer d'objets techniques parce qu'il peut maîtriser la nature. Et ça pourrait être ça, la spécificité de l'homme. Et Épictète va dire, attention, être un homme, effectivement, c'est être capable, par sa rationalité, de maîtriser les choses et éventuellement de les modifier, mais c'est aussi comprendre comment fonctionnent les choses et comprendre quelles sont les limites dans lesquelles notre activité technique peut se développer. Lorsque nous consultons Épictète, nous voyons que Épictète, montant les deux parentés de l'homme, à savoir sa parenté divine, qui le rattache à Zeus, aux immortels, et sa parenté animale, qui le rattache aux bêtes rampantes, aux poissons, aux fauves et aux quadrupèdes. Lorsqu'il parle de ces deux parentés, il veut nous montrer comment l'homme qui déroge de sa dignité, l'homme qui condescend vers l'animalité, devient à son tour comme ces bêtes. En s'inclinant devant sa parenté animale, il devient un loup par sa perfidie. Et il devient un lion par le dérèglement de sa violence, et il devient un renard par la ruse. En réalité, l'homme qui se laisse tenter ainsi par cette animalité de sa nature est sous une autre forme, un homme tenté par le néant est une manière de se nihiliser lui-même, non point de s'anéantir entièrement, mais en tout cas d'annuler ce qui fait en lui un homme. Il est donc à sa manière tenté par le néant, c'est-à-dire tenté de disparaître en tant qu'homme. 두 사람들이 살았어요. 살아서 다행입니다. Vous avez tous remporté la première épreuve. Sincères félicitations. Permettez-moi donc de vous annoncer les résultats. Sur 456 joueurs, 255 ont été éliminés. Pitié ! J'ai un enfant ! Je ne l'ai pas enregistré à l'état civil parce que je n'avais pas encore trouvé de prénom. Moi non plus, je veux pas continuer. Laissez-moi m'en aller. Je vous rappelle que participer à ce jeu est une chance. Une chance? On joue à des jeux de gamins et si on perd, vous nous tuez. C'est ça que vous appelez une chance? On a peut-être des dettes, mais ça veut pas dire qu'on mérite de mourir. Mais tout ça, ce n'est qu'un jeu. Peut-être, mais moi je veux pas mourir pour de l'argent. Les jeux peuvent s'arrêter à n'importe quel moment. Si la majorité est d'accord. Entendu. Nous allons donc procéder à un vote pour interrompre la partie. C'est de la folie furieuse! Vous voulez vraiment continuer ce jeu de massacre? En admettant qu'on s'arrête! Je vois pas ce que ça changera. On vit comme des animaux dehors, c'est déjà un jeu de massacre. Si jamais on réussit à aller au bout des 6 épreuves, combien on gagnera normalement? Puisque vous étiez 456 joueurs, le montant total sera de 45,6 milliards de won. Nous allons maintenant passer au vote. Alors autant pour le premier extrait, c'était peut-être assez identifiable pour vous, Christelle Veillard. Il s'agissait de la voix du philosophe Vladimir Jankélévitch le 12 février 1962 sur Radio Sorbonne. On l'a entendu parler d'Épictète et de ses deux parentés de l'homme chez Épictète, la parenté animale et la parenté divine. Parenté animale qui, dès lors qu'il se vautre dedans d'une certaine manière, il en vient l'homme à se néantiser, à s'annihiler, nous dit-il. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'on entend dans cet extrait de cette série, peut-être que vous ne connaissez pas, qui est diffusée en ce moment même sur Netflix, qui s'appelle Squid Game, série coréenne qui a un succès planétaire, on peut le dire, où des gens, comme on l'a entendu, endettés, sont invités à jouer leur propre vie pour de l'argent. Et effectivement, on entend là que, d'une certaine manière, on a ce paradoxe qui est que on ne peut pas se vendre à n'importe quel prix. Notre vie n'est pas à vendre, il ne faut pas prendre les mots d'Épictète au sens littéral. Et en même temps, il y a quand même une manière d'une certaine manière de jouer sa vie et peut-être de se tromper sur le prix que l'on se donne et de franchir des limites de ce qu'on pourrait appeler la dignité, terme qu'emploie Vladimir Jankélévitch dans cet extrait, Christelle Veillard. Oui, alors je pense que Épictète aurait été tout à fait horrifié par Squid Game. En tout cas, l'écoute de cet extrait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les personnages pleurent, récriminent, supplient, etc. Et Épictète aurait dit, mais voilà, précisément, si vous aviez à appliquer ma procédure, identifier l'activité, savoir qu'est-ce qu'il faut faire à l'intérieur de cette activité, et savoir si ça correspond à véritablement des biens ou pas. Et puis, on a un critère supplémentaire maintenant. Est-ce que l'activité qui est proposée ou les valeurs qui sont portées par cette activité sont cohérentes avec l'idée que nous avons de l'homme, hein? Et là, pour le coup, l'extrait de Jankélévitch est tout à fait intéressant puisqu'il va poser deux éléments, je dirais. On devient renard par la ruse. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on parle de la rationalité comme ce qui nous définit, je vais déterminer par ma raison la valeur que j'accorde aux choses. Effectivement, la raison, elle peut se tromper. Et la raison, la rationalité, elle peut être délirante ou non droite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arriver à raisonner droit en attribuant une valeur correcte aux choses. Et ce qui permet de le faire, c'est ce deuxième élément, c'est-à-dire, alors, comme le dit Jankélévitch, le divin qui est en nous, c'est-à-dire cette partie rationnelle en nous, qui est assimilable donc à la partie divine, et qui va venir contrer les éléments potentiellement bestiaux qui pourraient résider en nous. Donc on va annuler l'homme en nous, donc c'est exactement ce qui se passe manifestement dans le jeu, je vais annuler l'homme en moi parce que je me suis trompée dans la valeur que j'ai attribuée aux choses, parce que je n'ai pas compris que la valeur éminente à laquelle je dois, ou sur laquelle je dois faire porter mes efforts, c'est la rationalité droite, c'est-à-dire les vertus morales, c'est-à-dire l'exigence morale de réaliser le bien et de faire le bien. Et souvent, on est égaré parce que on croit que ce qu'il faut faire, c'est acquérir des biens comme, ben là, la richesse. Les personnages, manifestement, cherchent ou sont conduits par leur pauvreté voilà, à rechercher la richesse. Mais parce que, du coup, ils ont posé comme valeur éminente, pour le coup, leur survie. Dans la catégorisation stoïcienne, les richesses ne sont pas des biens. Et la vie elle-même ne peut pas être un bien. Et c'est justement ce qui va nous servir de point de blocage ou de point de limite lorsque nous avons des choix très difficiles à faire. Ce qui résiste d'une certaine manière, et c'est ce qu'expose la série Squid Game, ce qui résiste à cette manière de penser, c'est que les conditions matérielles, que ce qui nous arrive en fait, là où l'on est, notre constitution, nos besoins, nos capacités physiques, matérielles, nous mettent déjà des limites à cet exercice de la raison, à cette manière de découvrir le bien et ce que je pourrais accomplir de manière parfaitement vertueuse. Alors justement, je crois que ce que nous dit Épictète, c'est quelque chose d'assez audible même à présent, c'est-à-dire tous ces éléments-là, mais la situation financière dans laquelle je suis, ou affective, etc., tous ces éléments-là, finalement, ne dépendent pas de moi, au sens où je n'ai pas un contrôle total sur ces choses-là. Donc, ceci étant posé, que faire ? La seule chose sur laquelle je suis maître absolu, c'est de décider qui je veux être. Et dit, qui es-tu ? Es-tu un homme ou une bête sauvage ? Es-tu un homme ou es-tu un mouton ? Et ça, je peux le décider, justement, indépendamment des circonstances qui sont les miennes, et je vais réussir à porter des valeurs, donc moi, je suis la valeur que je porte, et même dans une situation désespérée ou déplorable, je vais continuer à porter l'idéal de l'humanité accomplie et l'idée du bien, justement, comme valeur absolue sur laquelle je vais régler toutes mes actions. Ce qui est raisonnable et ce qui est contraire à la raison se présente différemment aux yeux de chacun. Tout comme le bien et le mal, l'utile et le nuisible diffèrent selon les individus. Pour déterminer ce qui est raisonnable et ce qui est contraire à la raison, nous ne recourons pas seulement à la valeur des choses extérieures, mais chacun de nous se réfère aussi à celles qui répondent au rôle qu'il assume. Un tel trouve raisonnable de présenter le vase de nuit à un autre, parce qu'il ne considère qu'une chose. S'il ne le présente pas, il recevra des coups et n'obtiendra pas de nourriture. Alors que s'il le présente, il ne subira aucun mauvais traitement, ni rien de pénible. Un autre juge insupportable non seulement de présenter lui-même le vase, mais encore d'accepter qu'un autre le fasse. Si tu me demandes, vais-je ou non présenter le vase ? Je te dirai qu'il vaut mieux recevoir de la nourriture que de n'en pas recevoir, et que c'est une plus grande indignité d'être brutalisé que ne pas l'être. Par suite, si c'est cela que tu prends comme mesure des choses qui te concernent, va et présente le vase. Il t'appartient à toi, non à moi, d'introduire cet élément dans l'examen de la question, car c'est toi qui te connais. Qui sait combien tu vaux à tes yeux, à quel prix tu te vends ? Les uns se vendent à tel prix, les autres à tel autre. France Culture. Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. On vient d'entendre Christelle Veillard, un extrait non pas du manuel d'Épictète mais de ses entretiens. C'était le livre 1, chapitre 2, comment on peut en toutes circonstances sauvegarder le rôle qu'on assume. Alors il y a plusieurs choses intéressantes dans ce texte, notamment cette idée de rôle, on va y revenir. Cette idée aussi, on en a déjà parlé, de prix. Les uns se vendent à tel prix, les autres à tel autre, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de prix universel à déterminer. Il y a un prix de la raison, mais il y a aussi un prix qui revient à chaque homme au singulier. Et puis, il y a aussi, j'aimerais quand même qu'on commence par ça, Christelle Veillard, cette idée de vase de nuit qui est en fait un pot de chambre. Alors là, on peut quand même dire deux mots là-dessus. Pourquoi cet exemple du pot de chambre dans la bouche d'Épictète ? Bah justement, on prend un exemple un petit peu laid ou indigne. Comme la laitue, hein, finalement. Alors, c'est pire que ça, puisque, bon, quand même... C'est vrai. La laitue est certes assez inintéressante d'un point de vue gustatif, mais quand même, ça se mange. Tandis que là, le pot de chambre, c'est... Pardon. Allez-y, buvez un petit peu d'eau, si vous voulez. C'est un élément qui renvoie à l'indignité. Donc, à nos parties les plus honteuses, ou aux activités les plus honteuses qui sont le fait des hommes, et à la servitude. C'est-à-dire, je peux me faire le valet de quelqu'un en lui apportant le pot de chambre, ou bien pas. Donc c'est là où je mesure finalement, face à cet acte un petit peu anodin ou trivial, voilà, ce que je suis prêt à faire et jusqu'où je suis prêt à m'abaisser finalement. Donc qu'est-ce qui est digne de moi et qu'est-ce qui par contre est indigne de moi ? Et ce que va dire Épictète, c'est que notre curseur n'est pas le même. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant aussi. Il nous donne pas une règle absolument fixe, même s'il semble le suggérer dans certains textes, évidemment. Mais en tout cas, il dit, bon, ça dépend, donc le texte là résume vraiment très bien, ça dépend de la valeur des choses extérieures, et ça dépend du rôle que chacun assume, donc du prix que chacun se donne à lui-même. Donc toi, tu mettras le curseur très haut parce que tu es Épictète, un autre le mettra plus bas parce qu'il n'est pas capable éventuellement de... On n'est pas tous des Socrates, dira-t-il. Donc notre curseur va varier. Évidemment, la question qui reste, c'est jusqu'où ne peut-on pas aller ? C'est ça, quel est le cadre ? On a parlé d'un cadre quand même du bien, on a parlé de dignité en entendant l'archive de Jean Kelevitch et l'extrait de Squid Game. Mais effectivement, sans dépasser le cadre de la dignité ou de l'indignité, on peut faire des choses qui nous ressemblent plus ou moins et qui semblent plus ou moins acceptables pour d'autres. Et comment pouvoir assumer à ses propres yeux, mais aussi aux yeux des autres, le fait que l'on puisse s'abaisser à faire certaines choses qui ne sont pas non plus condamnables, mais que les autres ne supporteraient pas de faire. Et est-ce que, en accomplissant des choses qui semblent inacceptables pour certains, est-ce que finalement c'est une manière aussi de se corrompre soi-même et de ne pas correspondre à une certaine idée du bien ? Alors, je pense que l'important pour Épictète, c'est d'être cohérent avec soi-même. Donc, d'adhérer vraiment aux valeurs qu'on porte. Et si on porte des valeurs qui sont indignes, bah, il faut assumer le fait qu'on porte des valeurs indignes. Donc, soit justement, j'assume la figure du vicieux, soit je reviens à la raison droite et je m'aperçois que c'est impossible. Alors, la deuxième chose, c'est que dans un autre texte, Épictète va dire sur une toge, enfin une toge, elle est faite de fil blanc, et puis il y a la bande de pourpre qui va donner son éclat au vêtement. Il faut que tu décides si toi tu es un des fils blancs ou si tu es la bande de pourpre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux choisir d'être exemplaire. Donc Socrate choisit d'être exemplaire, Épictète aussi, et Épictète, lui, ne supporte pas d'apporter le pot de chambre, ni même que quelqu'un l'apporte. Dans un autre texte, on lui demande de se raser la barbe, il dit « je ne raserai pas ma barbe parce que c'est mon choix de ne pas raser ma barbe, parce que c'est conforme à mon idée de dignité humaine que d'avoir une barbe, mais je vais te couper la tête, eh bien coupe-moi la tête, mais en tout cas, je garderai ma barbe ». Donc l'idée, c'est que certains individus vont avoir la capacité, la résistance suffisante pour porter l'exemplarité morale vraiment très haut, donc ils vont mettre le curseur très haut, et puis la plupart des gens, finalement, vont être les fils blancs de la tunique, c'est-à-dire qu'ils vont s'efforcer de briller, mais pas nécessairement d'être exemplaires sur tous les plans. Et d'où ça vient ? C'est un mauvais choix qu'ils font ? Un mauvais calcul ? Ils utilisent mal leur raison, comme vous l'avez dit ? Ou est-ce qu'il y a aussi des rôles, reprenons ce terme de rôle puisqu'il est, il est donné dans le texte d'Épictète, qui conviennent plus à certains qu'à d'autres. Est-ce que certains sont faits pour être des fils blancs et d'autres des fils pourpres ? Alors, je dirais que la réponse d'Épictète consiste à dire que c'est très difficile, en fait, d'attribuer une valeur exacte aux choses. Et que dans la pratique, même si on a le principe théorique bien droit, le seul bien c'est la vertu, tout le reste est indifférent, et le seul mal c'est le vice, quand on a des objets précis dans l'existence, c'est difficile d'appliquer vraiment notre grille. Donc parfois, porté par la vie quotidienne, justement, on va être amené à tergiverser avec ce principe, et justement à privilégier parfois des objets qu'on ne devrait pas privilégier en toute rigueur. Donc, ce qu'il va nous dire, c'est fais des exercices pour réussir le plus qu'il est possible, le plus souvent possible, à appliquer correctement ta grille de valeurs, tout simplement. Donc, et c'est l'objectif, justement, du manuel. Avoir sous la main des phrases simples, des exemples simples, pour s'exercer sur des objets petits, à appliquer la véritable valeur des choses. On a cassé ma tasse, j'ai cassé ma tasse ce matin, cette tasse est un indifférent, et je passe à un exemple plus important, quelqu'un est mort dans ma famille, et c'est aussi un indifférent parce que la vie ne fait pas partie des biens. Donc il faut s'exercer de manière continue. Alors, donc c'est pas forcément qu'on se trompe sur les valeurs qu'on attribue aux choses, c'est que dans la pratique on a du mal à mettre en application ces principes théoriques. Et c'est l'exercice répété qui fait qu'on va y arriver de mieux en mieux. Quant à savoir s'il y a des gens qui sont prédéterminés à certaines fonctions ou à d'autres, je pense que Épictète résisterait à cette conclusion, pour la bonne raison qu'il a posé au départ hein, que nous avons un pouvoir absolu sur notre faculté de choisir. Donc, à la limite, on peut choisir absolument le type de personne qu'on veut être. Ah oui, ça c'est fou. Je m'attendais pas du tout à ça chez Épictète. Je m'attendais plutôt à une sorte d'accord finalement entre ce que l'on est capable d'accomplir, que ce soit rationnellement ou physiquement, en fonction des conditions qui nous sont données, même si celles-ci, effectivement, après un examen minutieux, et vous l'avez dit, et c'est audible encore aujourd'hui, nous oblige à nous demander qui on veut être, mais je pensais qu'il y avait une forme de continuité quand même entre une manière de bien agir et les moyens qui sont en notre pouvoir pour participer, parvenir à ce bien. Alors, elle est compliquée votre question un petit peu là, mais du coup, quand Épictète va dire, il faut d'abord juger pour décider de notre valeur et ensuite passer à l'action. Donc ce qu'il met en premier, c'est le jugement. Donc c'est le choix, ce qu'il appelle la proairesis, la faculté de choisir, qui est d'abord la faculté de se choisir soi-même. Et vraiment, ce qui fait le cœur de la philosophie d'Épictète, c'est, comme vous l'avez vu hier, la distinction ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Donc le fait d'identifier ce sur quoi j'ai un pouvoir absolu, ce dont je suis le maître absolument, et ce dont je suis le maître absolument, c'est ma faculté de juger. Donc si on prend ce texte-là, qui dit d'abord tu juges, ensuite tu décides de ta propre valeur, le jugement est premier. Donc de manière absolue, je peux choisir absolument ce que je veux être. Ensuite, évidemment, je vais pouvoir rencontrer des obstacles, c'est-à-dire si je choisis quelque chose qui manifestement m'est physiquement impossible d'accomplir, je vais devoir revenir sur mon premier jugement et puis adapter ma conduite en fonction de ce que je peux faire efficacement. C'est-à-dire, encore une fois, l'expérience va me montrer si ce que je fais est cohérent et est logique et est efficace. Si c'est manifestement inefficace, c'est sans doute que je me suis trompée quelque part. Donc, je recommence à réfléchir sur ce que je veux faire, ce que je suis capable de faire et ce que je décide que je veux faire véritablement. Alors, au paragraphe 29 du manuel, Épictète nous parle justement de celui qui décide de devenir athlète. Pour chaque activité, examine ses antécédents et ses conséquences et passe de cette manière à l'action. Si tu ne le fais pas, tu arriveras d'abord avec empressement, étant donné que tu n'auras pas réfléchi à ce qui s'ensuit. Et lorsque certaines difficultés apparaîtront, ensuite tu renonceras. Tu veux vaincre aux Jeux Olympiques. Et moi aussi, par les dieux, car c'est une belle chose. Mais examine les antécédents et les conséquents. Et adonne-toi ainsi à cette activité. Il faut être discipliné, suivre un régime, t'abstenir de pâtisserie, t'entraîner de manière forcée, à heure fixe, dans la chaleur, dans le froid, ne pas boire de l'eau froide ou du vin n'importe quand. En un mot, il faut en remettre à l'entraîneur comme à un médecin. Ensuite, dans le combat, il te faut creuser la terre, te casser le poignet, te tordre la cheville, avaler beaucoup de poussière, parfois subir le fouet et, avec tout ça, la défaite. Ayant examiné ces choses, si tu le veux encore, va combattre. Si tu ne les examines pas, tu changeras d'avis comme les enfants, qui tantôt jouent au lutteur, tantôt au gladiateur, tantôt de la trompette, puis la tragédie. Et toi aussi, tu es tantôt athlète, tantôt gladiateur, puis rhéteur, puis philosophe. Mais tu n'es rien de toute ton âme. Tu imites comme un singe chaque chose que tu vois et te plais à une chose après l'autre. Car tu t'es engagé dans ton projet sans examen, sans l'avoir regardé sous tous ses angles, mais au hasard et par désir insipide. Homme, examine d'abord quelle est l'affaire. Ensuite, observe ta propre nature pour savoir si tu peux endurer. Veux-tu être athlète au pentathle ou lutteur? Regarde tes propres épaules, tes cuisses, observe tes reins, car chacun est naturellement fait pour une chose différente. Alors on vient d'entendre donc le paragraphe 29 du manuel d'Épictète interprété par François Raison. C'est exactement ce que vous étiez en train de nous exposer avec Christelle Veillard sur le fait de choisir finalement qui l'on veut être, mais de mettre ce choix à l'épreuve de l'exercice et de la réalité. Alors Épictète parle ici d'antécédents et de conséquents. Alors bah effectivement, c'est ce que je disais au tout début de l'émission, c'est-à-dire je considère d'abord l'activité qui est réalisée, qui est à réaliser, et puis je regarde tout ce qu'il faut faire en amont pour réaliser cette activité. Je considère là, pour le coup aussi, tout ce qui est comme conséquence de cette activité. Donc je dois voir finalement ce que je fais sur vraiment la longueur et le déroulement chronologique des causes et des effets. Et ayant considéré cette grande chaîne causale de choses à faire et d'effets à subir, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir choisir. Donc ce qu'il nous dit, c'est regarde bien, examine bien tout ce que ça implique. Et si tu es capable de faire tout ça, alors vas-y. Mais en tout cas, une fois qu'on a fait tout ça, on ne peut plus venir récriminer ou pleurer ou se plaindre en disant « Ah bah oui, mais je savais pas qu'il fallait faire ça. » Et on dit « Mais tu as jugé de manière absurde ou tu n'as pas considéré correctement ce que tu aurais dû considérer. » Donc c'est là où la raison, elle nous sert à identifier clairement, avec lucidité, la nature même des choses et des objets à manipuler. Ce qui est intéressant, c'est que chez Épictète, ça veut dire que le choix n'est pas irréversible. On peut se tromper, et d'une certaine manière, on peut revenir en arrière. La seule chose importante, et ça vous l'avez souligné à plusieurs reprises, Christelle Veillard, c'est de ne pas se plaindre. Ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'Épictète ne supporte pas, c'est la plainte, le fait de se lamenter, en fait, tout ce qui relève du pathos, d'une certaine manière. Oui, alors c'est plutôt... Alors c'est le pathos, effectivement... L'espèce de chagrin factice, quand on se plaint d'avoir fait quelque chose alors qu'on a choisi cette chose, justement. Alors, ce qu'il ne supporte pas, c'est l'incohérence, surtout. C'est-à-dire, tu t'es lancé là-dedans, bah maintenant t'assumes. Et je vois pas pourquoi, par surcroît, tu viendrais te dédouaner de ce que tu as choisi, ou tu voudrais repousser la responsabilité de ce que tu as choisi. Donc ce qui est important, je crois, c'est quand on choisit une activité, on s'engage tout entier. C'est ce qui est dit dans ce texte. On peut se tromper et choisir d'autres activités, par exemple, mais il ne faut surtout pas s'en plaindre. Et en revanche, si on se sent bien dans cette activité, il faut aller jusqu'au bout de manière droite, c'est ça? Voilà, c'est le principe de cohérence qui va nous donner cette stabilité intérieure, qui va nous permettre ensuite d'accéder au bonheur, finalement. Donc être quelque chose de toute son âme, hein, dit le texte. Et alors évidemment, si on est quelque chose de toute son âme, mais qu'on a fait un mauvais choix, on a mis toute son âme dans quelque chose d'instable, et donc on va s'apercevoir que on n'atteint pas l'objectif qui est la stabilité intérieure. Donc ça veut dire qu'on a mal jugé de l'activité ou de la valeur de l'objet. Donc il faut recommencer à examiner clairement quel type d'activité on veut faire et placer sa cohérence dans des objets stables. Et autre cas de figure, Christelle Veillard, je suis engagée de toute mon âme dans une activité, mais je suis nulle, mais je ne m'en rends pas compte. Par exemple, c'est notamment le sujet d'un film qui s'appelle Marguerite, qu'une chanteuse qui chante extrêmement mal, mais personne n'ose lui dire qu'elle chante mal, mais elle est de toute son âme dans cette activité. Est-ce que là, on peut réviser son jugement dès lors qu'on se juge déjà mal sur son choix? Alors ça, c'est compliqué à faire, effectivement. Donc, outre le fait de ne pas récriminer, Épictète nous appelle à la lucidité envers nous-mêmes. Donc c'est l'un des messages qui est porté par « estime le prix auquel tu te vends », c'est-à-dire considère ce que tu vaux véritablement, donc identifie bien ce que tu vaux. Et c'est ce qui est dit à la fin du texte, quand il dit « chacun est naturellement fait pour une chose différente », ça veut dire que l'expérience va nous montrer aussi dans quel cas nous sommes efficaces et dans quel cas nous ne le sommes pas. Et la lucidité par rapport à soi-même fait partie du processus d'assignation, à la fois du prix auquel on est capable de se vendre et puis du choix de vie qu'on est capable de faire. Justement, sur cette dernière phrase, Christelle Veillard, quand Épictète nous dit « chacun est naturellement fait pour une chose différente », ce naturel, on le comprend bien, c'est-à-dire qu'on va bien se rendre compte, en fonction de nos capacités, à travers l'expérience, ce qui résiste, en faisant preuve aussi de lucidité, comme le dites, ce que l'on peut faire ou pas. Est-ce qu'on ne tombe pas néanmoins dans une forme de relativisme en se disant que chaque personne peut faire des choses et faites naturellement pour telle activité et pas pour telle autre? Finalement, ça restreint d'une certaine manière la possibilité du choix, l'universalité de la raison à des postures qu'on devrait presque découvrir, qui nous seraient peut-être presque déjà données, une forme de destin. Alors, ce qui empêche le relativisme en théorie stoïcienne, c'est précisément ce cadre universel qu'est la définition de l'homme. Et la définition d'un homme accompli ou de la dignité humaine, donc le curseur dont on parlait tout à l'heure, hein, ce en deçà de quoi je ne dois pas descendre, et la raison qui fait que je ne suis ni un mouton ni une bête féroce. Donc ça, c'est mon cadre universel à l'intérieur duquel donc on peut réaliser des activités différentes. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement, il nous rappelle que le type d'activité que nous choisissons de faire, donc le type de rôle que nous choisissons d'accomplir. Est-ce que je suis un homme politique important ou est-ce que je suis, l'esclave qui va passer le pot de chambre? Tous ces éléments-là font partie des éléments identifiés comme indifférents, puisque c'est la matière de nos actions et que dans toutes ces circonstances-là ou avec toutes ces activités-là, finalement, je vais pouvoir réaliser le bien, c'est-à-dire avoir des activités, des vertus ou avoir des activités morales qui vont me permettre de réaliser le bien. Donc, ce qui compte pour Épictète, encore une fois, c'est de dire qu'importe la situation particulière dans laquelle nous sommes placés finalement, pour peu que nous choisissions toujours de manière droite les activités qui correspondent aux activités de vertu. Merci beaucoup Christelle Veillard. Je rappelle quelques-uns de vos ouvrages. Les Stoïciens, une philosophie de l'exigence, disponible aux éditions des Belles Lettres. Les Stoïciens, volume 2, le stoïcisme intermédiaire, c'est aux éditions aussi les Belles Lettres. Et à venir en décembre 2021 aux éditions Vrin, Hécaton de Rode Fragment. Et puis aussi pour les éditions Plomb, collection Renaissance des Sagesses Stoïciennes. Merci beaucoup Christelle Veillard. Fat man looking at a blade of steel. Thin man looking at his last meal. Hollow man looking in a cotton field. For dignity. Wise man looking in a blade of grass.